la cime s'éloigne, le vent me hop. Je flotte, la vitesse me met des calottes. Tu balles, en haut je vois cette silhouette qui ricane. De plus en plus petite, mais je le distingue, c'est dans ma vie défile devant mes yeux, mon vieux. Je n'y attendais pas perdu qu'il y a de plus précieux. D'un seul coup, ce building est sans fin. Mais comme elle dit le dicton, jusqu'ici tout va bien. Les humains en bas ne payent pas de mine. Des fourmis vides ici, car de ce point de vue je culmine. C'est la chute libre, je vis mes derniers instants. Je ne me doutais pas du tout qu'elle aimait, je mets longtemps. Content, ce cas, je n'ai plus le choix. Je ferme les yeux en attendant d'arriver en bas. C'est la chute libre. So what you gonna do when it comes gunning? C'est la chute libre. When the sun and planets start attracting, c'est la chute libre. Mon corps rencontre l'asphalte, sonorité sourde. Tout le monde s'écarte, ketchup sur les souliers. Ici pas de miracle, on n'est pas à Lourdes. Personne pour me sauver, personne pour me sauver. Que des charognards qui s'y pas des pouilles. Dans la compréhension générale, ça papouille. Mon âme quitte l'enveloppe, l'ange longe l'avenue. C'est l'ange vol, l'honneur est venu, la mort me déloge. Dès lors, je quitte mon corps et je vois la scène. De dessus la foule, j'agglutine, obsédé par l'obscène. J'observe tout en faisant le chemin inverse, ouais. Je remonte vide de vie mais empli d'ivresse. Les étages défilent, la terre se met à gronder. C'est encore difficile mais je l'entends ricaner. De nouveau, ces deux yeux rouges brillent dans le noir. Du feu dans le regard, le diable et ses cauchemars. J'arrive à son niveau, je m'approche, je le fauche. Du pied gauche, il m'accroche et s'embroche sur une antenne. J'écrase un coup de talon des derniers doigts qui le retiennent. Et le regard de tomber, étouffé par la haine. Je me marre à la vue du diable qui meurt. À ce moment mes yeux changent de couleur. C'est la chute libre. We'll be right back.